À l'occasion de la journée de la brillante étoile, le secrétaire général de l'Institut international des idées du Juche et sa suite, le corps des conseillers économiques et commerciaux en Corée, les membres des représentations du Programme des Nations Unies pour le Développement, du Programme mondial de l'alimentation, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, du Fonds des Nations Unies pour la population et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, les participants au 21e Florali de Kim Jong-il et autres hôtes étrangers et compatriotes coréens d'outre-mer ont déposé le 14 les corbeilles de fleurs et se sont inclinés devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu. Le même jour, le corps de félicitations de l'Association générale des Coréens en Chine, la délégation de l'Association des entrepreneurs coréens en Chine, la délégation de l'Association des Coréens pour les échanges économiques et culturels de la ville de Dandong de Chine et les familles des compatriotes coréens d'outre-mer ayant rapport avec les grands leaders ont visité les statues en bronze des grands leaders pour exprimer leur hommage.